La tragédie de la muse par Edith Wharton. Chapitre 1er. Plus tard, Deniers se complut à se figurer qu'il avait reconnu Madame Anerton du premier coup. Mais cette imagination était naturellement absurde, n'ayant vu d'elle auparavant aucun portrait. Elle affectait de garder un anonymat strict et refusait sa photographie même aux plus privilégiés. Il n'avait en outre jamais obtenu de Madame Mémoral, en qui il vénérait et cultivait l'ami de cette femme, qu'une phrase de vague impressionnisme. Elle est comme ces anciennes estampes, où les traits ont la valeur d'un coloris. Cependant, le jeune homme était presque certain d'avoir pensé à Madame Anerton, tandis qu'il déjeunait dans le restaurant désert de l'hôtel. Il s'était aussitôt dit à lui-même, ayant levé la tête à l'approche d'une dame qui s'était placée à une table près de la fenêtre, il se pourrait bien que ce fût elle. Dès ses années d'étudiant à Harvard, il était encore assez jeune pour penser à ces temps comme à une époque infiniment éloignée. Deniers avait rêvé de Madame Anerton, la Sylvia de l'immortel cycle de sonnets de Vincent Rendel, la Madame A de la vie et les lettres du même Vincent Rendel. Ce nom avait pour tabernacle quelques-uns des plus nobles vers anglais du XIXe siècle, et de tous les siècles passés au futur, comme Deniers, avec un jugement mûri, continuait à le croire. La première lecture de certains poèmes de Rendel, l'Antinous, l'Appi à Ptolemée et les sonnets à Sylvia, avait fait époque dans le développement de Deniers, et l'exquise harmonie, l'ampleur, la signification de ses vers semblaient croître à mesure qu'on apportait à leur interprétation plus d'expérience de la vie, une sensibilité plus affinée. Alors que dans son adolescence, Deniers n'avait perçu que la parfaite et presque austère beauté de la forme, la subtile alternance des voyelles, l'élan et la plénitude de l'émotion lyrique, il vibrait maintenant au sens serré de chaque ligne, à l'allusion de chaque mot. Son imagination était sans cesse entraînée sur de nouvelles traces, sans cesse stimulée par le sentiment qu'au-delà de ce qu'il avait découvert, d'autres régions, plus merveilleuses encore, attendaient qu'on les explorât. À l'époque de la mort du grand homme, Deniers, encore à l'université, avait écrit sur la poésie de Rendel l'essai qui remporta le prix. Il avait coulé les poèmes éphémères de sa propre période de romantisme dans le moule que Rendel avait le premier donné au maître anglais. Et quand apparurent 2 ans plus tard la vie et les lettres, quand la Sylvia des sonnets prit corps et devint Madame A, le jeune homme engloba dans son culte pour Rendel la femme qui avait inspiré non seulement des vers aussi divins, mais encore une prose si facile, si tendre, incomparable. Deniers ne devait jamais oublier le jour où Madame Mémoral mentionna ses relations avec Madame Anerton. Il fréquentait cette Madame Mémoral depuis un peu plus d'un an, et il l'avait jusqu'alors assez dédaigneusement classée parmi les coureuses de célébrité. Un après-midi, et tout en lui mettant un morceau de sucre dans son thé, elle lui dit, à un brûle-pourpoint, « Est-ce bien cette fois? Vous êtes presque aussi difficile que Marie Anerton. » « Que Marie Anerton ?»« Oui, je ne peux jamais me rappeler comment elle aime son thé. C'est ou bien du citron avec du sucre ou sans sucre, ou de la crème sans l'un ni l'autre. Et de toute façon, le thé ne doit être versé dans la tasse qu'en dernier lieu. Et si l'on ne s'est pas bien souvenu, il faut tout recommencer. Je suppose que Vincent Rendel prenait son thé comme cela, et que c'est devenu un rite. Comment ? Vous connaissez Madame Anerton ? Et ai-je vu une fois Chalet lui-même ? Miséricorde, mais oui. Elle et moi nous avons été à l'école ensemble. Vous savez qu'elle est américaine. Nous avons passé presque un an dans un pensionnat des environs de Tours. Après quoi, elle retourna à New York et je la perdis de vue jusqu'après son mariage. Elle et Anerton ont séjourné un hiver à Rome, pendant que mon mari était attaché à notre légation, et nous les voyons beaucoup, fit Madame Mémoral avec un sourire de réminiscence. C'est le fameux hiver. L'hiver où ils se sont connus? Précisément. Par malheur, j'ai quitté Rome peu avant que la rencontre n'eût lieu. N'est-ce pas de la guigne? J'aurais pu figurer dans la vie et les lettres. Vous savez qu'il mentionne même cette stupide Madame Bodki chez laquelle la présentation eut lieu. Et elle, l'avez-vous vue beaucoup par la suite? Pas du vivant de Rendel. Elle vivait presque exclusivement en Europe. Je la voyais bien de temps en temps quand j'étais sur le continent, mais elle était si absorbée, si préoccupée, qu'on se sentait toujours de trop. En réalité, elle ne tenait qu'à ses amis à lui, et s'était peu à peu séparée de tous les siens à elle. Maintenant, c'est très différent. Elle est affreusement seule. Elle s'est remise à m'écrire quelquefois, et l'année dernière, ayant su que j'allais en Europe, elle me demanda de la rejoindre à Venise. J'ai passé une semaine avec elle. Et Randall ? Madame Mémoral sourit et secoua la tête. On ne m'a jamais laissé jeter même un simple coup d'œil sur le dieu. Aucun de ses anciens amis à elle ne l'a jamais rencontré, sinon par hasard. Les mauvaises langues disent que c'est pour cela qu'elle l'a gardé si longtemps. Si quelqu'un arrivait pendant qu'il était là, aussitôt le dieu était mis à l'abri dans le cabinet d'Allerton, et le mari montait la garde jusqu'au départ du malencontreux visiteur. Allerton était d'ailleurs bien plus ridicule que sa femme. Marie était trop fine pour perdre la tête, ou du moins pour laisser voir qu'elle l'avait perdue. Mais Allerton était incapable de cacher combien il était fier de cette conquête. J'ai vu Marie sur des épingles, quand il appelait Randall notre poète. Il fallait toujours au grand homme une certaine place à table, hors du courant d'air et pas trop loin du feu. Il lui fallait sa boîte de cigares à laquelle personne n'avait le droit de toucher, sa table à écrire dans le salon de Marie. Et Allerton ne se lassait pas de raconter les idiosyncrasies de l'idole. Comment Randall ne coupait jamais les bouts de ses cigares, quoique lui-même, Allerton, lui eût donné un coupe-cigare en or, incrusté d'un saphir étoilé. Comment la table du maître était toujours encombrée. Comment la domestique avait l'ordre de toujours porter à sa maîtresse le panier à papier avant de le vider, de peur qu'une strophe immortelle ne tombât dans les balayures. Les Allerton ne se sont donc jamais séparés. Se séparer, Dieu garde. Allerton n'aurait pas voulu quitter Randall, et d'ailleurs, il aimait beaucoup sa femme. Et elle? Elle avait compris qu'il était de ses époux prédestinés au ridicule, et elle n'essayait jamais de lutter la contre. Danaïans apprit encore par Madame Mémoral que Madame Allerton, dont le mari était mort quelques années avant leur poète, partageait maintenant son existence entre Rome, où elle avait un petit appartement, et l'Angleterre, où elle allait parfois rendre visite à ceux de ses amis qui avaient connu Randall. Après l'avoir perdu, elle s'était consacrée à la publication de quelques œuvres de jeunesse dont il lui avait laissé le soin. Une fois cette tâche accomplie, elle n'avait guère eu d'occupation bien définie. À leur dernière rencontre, Madame Mémoral l'avait trouvée désemparée et découragée. « Randall lui manque trop. Elle a une vie trop vide maintenant. Je le lui ai dit. Je lui ai dit qu'elle devait se remarier. Elle, se remarier? Et pourquoi pas, je vous prie? Elle est encore une jeune femme. Ce que beaucoup de gens appelleraient jeune. » Interrompit Madame Mémoral, comme par parenthèse, et avec un regard vers le miroir. Pourquoi ne pas accepter l'inévitable et recommencer la vie? Tous les chevaux du roi et tous les hommes du roi ne ramèneraient pas Randall. D'ailleurs, elle ne l'a pas épousé, lui, quand elle le pouvait. Danaïres, voyant manier son idole si indélicatement, eut comme un léger frisson. Madame Mémoral ne comprenait-elle donc pas quelle faute d'orthographe eût été que ce mariage? Se figure-t-on Randall régularisant sa situation avec Sylvia? Car c'est ainsi que le monde eût envisagé les choses. Comme une telle réparation eût vulgarisé leur passé, c'eût été restauré un chef-d'œuvre. Et combien exquise et rare devait être la sensibilité d'une femme qui, au mépris des convenances, malgré sa propre inclination, peut-être, avait préféré arriver à la postérité comme Sylvia, plutôt que comme Madame Vincent Randall. À compter de ce jour, Madame Mémoral devint intéressante aux yeux de Danaïres. Elle était comme un tome de mémoire incohérent et sans table, dans lequel il se plongeait patiemment, avec l'espoir de trouver ça et là, enfoui sous des couches de poudreuse fadaise, une précieuse allusion à l'objet de ses pensées. Quelques mois plus tard, ayant publié son mince premier volume, où le juvénile essai sur Handel, très retouché, figurait auprès d'une douzaine d'appréciations quelque peu soulignées, il en offrit un exemplaire à Madame Mémoral, qui, à sa surprise, lui annonça peu après qu'elle avait envoyé le livre à Madame Allerton. Après un délai convenable, Madame Allerton adressa ses remerciements à son amie. Danaïres fut admis au privilège de lire les quelques lignes par lesquelles, et en termes qui trahissaient l'habitude de reconnaître des hommages semblables, elle parlait de l'intuition et de la sensibilité de l'auteur, et se disait charmée de cette occasion, etc. il partit désappointé, sans bien se rendre compte de ce qu'il avait espéré. Au printemps d'après, quand il alla en Europe, Madame Memora lui offrit des lettres d'introduction pour tout le monde, depuis l'archevêque de Cantorbéry jusqu'à Louise Michel, sans toutefois lui en donner pour Madame Anerton. Danaïeur savait, par une conversation antérieure, que Sylvia nourrissait des préventions contre les gens qui se présentaient avec des lettres. Il savait aussi qu'elle voyageait l'été. Elle ne devait guère retourner à Rome avant l'expiration de son congé à lui. L'espoir de la rencontrer n'était donc pas compris dans son itinéraire. La dame, dont l'entrée interrompit son solitaire repas dans le restaurant désert de l'hôtel Villa d'Est, s'était assise. Son profil se découpait sur la vitre, et son front bombé, son nez aquilin et délicat, sa lèvre un peu dédaigneuse, rappelait vaguement la silhouette de Marie-Antoinette. Dans la toilette et les mouvements de cette femme, jusque dans la courbe des poignets, tandis qu'elle se versait son café, Danaïos crut distinguer un je ne sais quoi, qui excluait à la fois toute idée de banalité et d'excentricité. C'était évidemment une femme qui avait été très excédée et passionnément intéressée. Le garçon lui apporta un secolo, et comme elle se penchait sur le journal, Danaïos observa que les cheveux enroulés au-dessus de son front commençaient à grisonner. Mais sa taille était droite et svelte, et elle avait le dos élancé d'une jeune fille. La vague du touriste anglo-saxon n'avait pas encore déferlé vers les lacs. À l'exception d'une ou deux femmes italiennes et d'un jeune homme bossu accompagné d'un abbé, Danaïos et la dame étaient seuls dans les salles de marbre de la Villa d'Est. Comme il rentrait d'une course matinale dans la montagne, il la vit assise à une des petites tables au bord du lac. Elle écrivait, et auprès d'elle s'amoncelaient livres et journaux. Ce soir-là, ils se rencontraient de nouveau dans le jardin. Il avait fait quelques pas au dehors pour fumer une dernière cigarette avant le dîner, et il la trouva assise sous la voûte obscure des chênes lièges, près des marches qui descendent à l'embarcadère. Elle était penchée sur la balustrade et regardait l'eau, et elle se retourna au bruit de son approche. Elle avait noué une écharpe de dentelle noire autour de sa tête, et ce fond sombre donnait à son visage amaigri un aspect malheureux. Plus tard, il se rappela que ses yeux, en rencontrant son regard à lui, exprimaient moins une douleur qu'un profond mécontentement. À sa grande surprise, elle vint droit à lui et le retint d'un geste. « Monsieur Lewis Danaïos, je crois. » Il s'inclina. « Je suis Madame Anerton. J'ai vu votre nom sur la liste des étrangers et je désire vous remercier d'un essai sur la poésie de M. Randall, ou plutôt vous dire combien je l'ai apprécié. Le livre m'a été envoyé par Madame Memorale l'hiver dernier. » Ses paroles avaient un son égal et monotone, comme si l'habitude d'un débit conventionnel eût élevé à sa voix des accents plus spontanés. Mais son sourire était charmant. Ils s'assirent sur un banc de pierre sous les chênes verts, et elle dit à Danaïos tout le plaisir que lui avait procuré son essai. Elle trouvait que c'était le meilleur morceau du livre. Il y avait certainement mis plus de sa propre personnalité que dans le reste. N'avait-elle pas raison d'en conclure qu'il avait été très profondément influencé par l'art de M. Randall ? Pour comprendre, il faut aimer. Et il semblait à elle qu'il avait parfois pénétré plus avant qu'aucun autre critique la pensée intime du poète. Il y avait naturellement certains problèmes auxquels il n'avait pas touché, certains aspects de cet esprit si complexe qu'il n'avait peut-être pas saisi. « Mais aussi, vous êtes bien jeune, » conclut-elle doucement, « et l'on ne peut pas vous souhaiter encore l'expérience qu'impliquerait une compréhension plus complète. »